fête de la musique. Dans le square Michel de l'hôpital, policiers et jeunes se sont heurtés. Il était alors plus de 4 heures du matin. Un mur de son était installé dans le square. Les policiers ont demandé que cesse la musique. Les musiciens ont obtempéré. Ensuite, un peu la tranche sur la droite. La bombe est toujours en tête de l'étage. Une action pour violence policière devrait être adressée aux conquérants de la République, notamment celle d'un mineur hospitalisé pour traumatisme crânien. We'll be right back. this world of darkness which comes with evil, destructive forces in man's nature.